procédure de contrôle viciée. Même s'il n'a pas manifesté son intention de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, un contribuable peut invoquer que l'administration l'a induit en erreur sur la possibilité d'obtenir un tel recours.